بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في تفسير سورة الأعلى. On continue donc l'exégèse de la sourate الأعلى. On est arrivé à la parole d'Allah تبارك وتعالى الذي خلق فسوى, celui qui a créé puis a façonné. Al-Allama ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit ici, wa qawluhu fasawwa ya'ni sawwa ma khalaqahu ala ahsani surah wa ala surati al-mutanasibah fal insanu mathalan. Qala Allahu ta'ala fi surati al-Infitar, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. وقال كذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لا يوجد في الخلائق شيء أحسن من خلقة الإنسان رأسه فوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة تامة ولهذا أول من يدخل في قوله فسوى هو تسوية الإنسان انتهى. Le très savant Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit concernant le passage fasawwa, alors il a façonné. Il dit cela signifie qu'il a façonné ce qu'il a créé avec, selon la meilleure image. Et l'image et l'apparence convenable. Par exemple, l'être humain. Allah Ta'ala, il dit le concernant dans Surat al-Infitar. Il dit « Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak » Celui qui t'a créé, puis t'a façonné et t'a constitué harmonieusement. « Fi ayyi surati ma sha'a rakkabak » Il t'accorde la forme qu'il veut. Il t'accorde la forme qu'il veut. Le cheikh, il continue en disant « La yujadu fi khalqillah »« La yujadu fi khalaq » Il n'y a rien dans les créatures qui soit mieux que la création de l'être humain. Sa tête est au-dessus, son cœur est dans son torse, dans sa poitrine. Et il a une forme parfaite. Et c'est pour cela que le premier qui rentre dans la parole fait ça, ouais, alors il l'a façonné. Les premiers qui rentrent dans cela, c'est la création, le fait de façonner l'être humain. Fin de citation. Ayyuhannas, inna allaha qadirun على أن يخلقنا في صورة كلب أو غير ذلك لكنه من علينا بهذا الذي ترون. Ô gens, Allah Ta'ala a la capacité de nous créer, de nous accorder une image, de nous donner l'image, une image de chien ou d'un autre animal ou d'autres créatures. Mais il nous a donné l'apparence que nous voyons, l'apparence que vous voyez, cette apparence complète. فَهَلْ مِنْ شَاكِرٍ. Alors, y a-t-il des gens qui remercient Allah Tabaraka wa Ta'ala par rapport à ce bienfait? C'est malheureux parce que souvent, beaucoup de personnes, ils se plaignent. Ah, j'ai ça comme défaut, j'ai ça comme défaut, j'ai ça comme défaut. Je suis moche. Ou. Regarde les bienfaits que Allah Ta'ala t'a accordés. Souvent, les gens ne se rappellent des bienfaits que Allah leur a accordés que lorsqu'ils voient ceux qui sont éprouvés par la maladie. Lorsqu'ils voient ceux qui sont éprouvés par la maladie, là, ils se rappellent des bienfaits d'Allah Ta'ala sur eux. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit « وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى » Celui qui a déterminé et qui a guidé. فَاللَّهُ تَعَالَى قَدَّرَ كُلَّ شَيْءٍ Allah a déterminé toutes choses et prédestiné toutes choses. Comme Allah Ta'ala le dit, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est à toute chose, nous l'avons créé avec un destin précis, avec une détermination précise. Fallahu Ta'ala qaddara kulla shay' fi sifatihi wa ajalihi wa ghayri dhalik. Et donc Allah a déterminé toute chose selon ses attributs, sa fin et autres. Toute chose a déjà été déterminée. Fahada, Puis, Allah a guidé toute chose. فَالْهِدَايَةُ هِدَايَةً. Et donc, il y a deux types de guidés. هِدَايَةٌ كَوْنِيَّ وَهِدَايَةٌ شَرْعِيَّ. Une guidée universelle et une guidée législative, une guidée religieuse. أَمَّا الْهِدَايَةُ الْكَوْنِيَّ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى. فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. En ce qui concerne donc la guidée universelle, parmi les exemples de la guidée universelle, il y a la parole que Allah Ta'ala a citée de Fir'aun à Moussa. Fir'aun qui dit à Moussa, « Femen rabbukuma ya Moussa. » Alors, qui est votre Seigneur, ô Moussa ?« Qale rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. » Alors Moussa, il dit, « Notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose son apparence, sa forme, puis il l'a guidé. فَاللَّهُ تَعَلَى هَدَى جَمِيعَ الْمَخْلُقَاتِ إِلَى مَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ. » Et donc Allah, il a guidé toutes les créatures vers quoi elles ont besoin, vers toutes choses dont elles en ont besoin. Allah tabaraka wa ta'ala. فَتَأَمَّلُوا فِي حَالَةِ هَذَا الطِّفْلِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَلَا يَعْرِفُ شَيْئًا فَاللَّهُ تَعَالَى يَهْدِيهِ إِلَى ثَدِّهَا. Alors méditez sur la situation de cet enfant qui sort du ventre de sa mère en ne connaissant rien. Et Allah qui le guide vers le sein de sa mère. وَهَكَذَا مَا الْبَهَائِمِ. Et la même chose avec les animaux. جَمِيعُ الْخَلَائِقِ. Toutes les créatures. Allah leur a montré ce dont elles ont besoin. Il a donc guidé toutes les créatures, musulmans et non musulmans. وَالْهِدَايَةُ شَرْعِيَّةُ أَنَّ اللَّهَ بَيَّنَ لَهُمْ الْحَقِّ. Et la guidée religieuse, c'est que Allah il leur a montré la vérité de façon explicite et claire. Il leur a montré la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. En ce qui concerne Thamoud, nous les avons guidés. Alors ils ont favorisé l'aveuglement à la guider. Ils ont favorisé l'aveuglement à la guider. Et donc Allah, il les a guidés, mais ils n'ont pas voulu cette guidée. Ils ont préféré l'égarement. فَاللَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِ بِنَا أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا. Et parmi les bienfaits d'Allah sur nous, la miséricorde d'Allah envers nous, le fait qu'il ne nous a pas laissé nous-mêmes nous charger de notre propre personne. Il a envoyé vers nous des messagers. Vous imaginez si on n'avait pas de messagers qui viennent nous montrer la vérité? Rien du tout. Ça aurait été le désordre total. Les messagers sont venus, c'est le désordre. Les gens ne veulent pas y croire. Que dire s'il n'y avait pas de messagers pour nous montrer la vérité? Que dire s'il n'y avait pas le Coran, ce livre béni venant d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment on aurait fait? Chacun vient, comme on a même à notre époque déjà, ceux qui inventent leur religion, oui, je pense que c'est comme ça, chacun fait de sa façon. Allah ta'ala ne nous a pas laissé comme ça, il nous a envoyé des messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé vers toute communauté un messager qui leur ordonnait d'adorer Allah seul et de délaisser le tarout. تَأَمَّلُوا فَكَانُوا كَثِيرٍ مِنَ الْإِخْوَةِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ كُنَّا فِي الْمَدَارِسِ الَّتِي انْتَشَرَ فِيهَا الْفَوَاحِشُ وَالْكُفْرِيَاتِ وَالشِّرْكِيَاتِ وَالْأَكَاذِيبِ وَالسَّرِقَةِ. Méditez, les frères. Beaucoup, ici dans ces pays. Nous étions où? Dans des écoles dans lesquels étaient propagées les turpitudes, la mécréance, et aussi l'association, le polythéisme, le mensonge. Ouais. Tu es au milieu de tous ces péchés. Faminna man kana kafiran, wa minna man kana musliman asiyan lillahi gharikan fil ma'asi. Parmi nous, il y en avait qui étaient mécréants. D'autres étaient musulmans, noyés dans les péchés. Fahadana Allahu ila l'islam. Alors Allah nous a guidés vers l'islam. Alors Allah nous a guidés vers l'islam. Après ça, l'être humain, il vient en toute fainéantise, n'arrive pas à se lever, remercier son Seigneur. Ne vois-tu pas d'où il t'a sorti? Ne vois-tu pas où tu étais avant? Quand est-ce qu'on va se lever la nuit, les frères, pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala? Quand? Quand est-ce qu'on va délaisser ce lit, cette couette? Aisha radiallahu anha, qui nous dit qu'elle est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuqimu laylatahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait durant la nuit pour prier. Hatta tatafattar qadamah. Jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Aisha radiallahu anha. Elle lui dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu fais tout cela? وَقَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Pourquoi est-ce que tu fais tout cela alors que Allah, il t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il t'a pardonné. Ne puis-je pas aimer être un serviteur qui remercie? Et donc nous, c'est quand est-ce qu'on va remercier Allah tabaraka wa ta'ala? Regardez où nous sommes, les frères, dans quelle école on était. Collège, lycée, j'en parle même pas. Tous les jours, de 8h à 4h, 18h, tous les jours, Allah t'a sorti de là. T'a guidé. Alors lève-toi, remercie ton Seigneur. Fais les causes. Certains, Ba'dun nas yadhunnun annahum qad wasalu. Certains, ils pensent qu'ils sont parvenus. Ils sont arrivés à l'objectif. Alhamdoulillah, Allah m'a guidé. Aujourd'hui, je prie. Alhamdoulillah. Remercie ton Seigneur. Akhraj al-Hakim fil Mustadrak an Abi Umama anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal alaykum bi qiyamil layl fa innahu da'bu as-salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ithm. حسنه الألباني رحمه الله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. الحاكم il a cité dans son livre Al-Mustadrak, selon Abi Umama, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplissez la prière de la nuit, qiyamul layl. Accomplissez l'adoration nocturne. Car ceci est la situation, la caractéristique des pieux avant vous. Et c'est un moyen de se rapprocher de votre Seigneur qui efface les péchés, qui efface les fautes accomplies et empêche de tomber dans les péchés. Allahu Akbar. Combien on a nos frères qui n'arrivent pas à délaisser les péchés. Tiens, regarde, Akhi. Regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te montre. Tu veux remercier Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à tout ce qu'il t'a accordé. Regarde. Mais non, la couette, elle est trop confortable. Et donc, il faut qu'on fasse des efforts par rapport à ça. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعْلَهُ غُثَاءً أَحْوَى » Et celui qui a fait pousser le pâturage et qui en a fait un foin sombre. Et donc ces plantes que les animaux vont manger et qui ensuite vont devenir du foin sombre, alors qu'elles étaient auparavant vertes. On voit ça tout le temps, pour nous c'est devenu banal. Cette plante, elle était verte. Aujourd'hui, elle a changé de couleur. Même les plantes là que vous voyez que la mosquée a installées dans les escaliers, elles changent de couleur aussi, comme ça. Mais c'est devenu banal. Que des signes que Allah tabaraka wa ta'ala elle nous envoie tous les jours. Tu marches dans la rue, tu vois des plantes qui étaient vertes, elles sont devenues marron, elles sont devenues jaunes. Après, elles redeviennent vertes. On voit ça, c'est devenu normal. Mais on ne le prend pas comme un signe montrant la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut de ses créatures. Il nous montre des signes tous les jours pour qu'on médite et qu'on le remercie pour ce qu'il nous a accordé, tabaraka wa ta'ala. C'est nous qui nous fait la tansa illa masha Allah. Nous allons te faire lire, te faire réciter le Coran afin que tu n'oublies pas sauf ce que Allah a voulu. Sauf ce que Allah a voulu. Wa qad ra'ayna sabiqan anna hadhihi al-aya dalilun ala jawazi wuqu'i an-nisyan fi haqq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam muqayyadan bi mashi'atillah. On a déjà vu précédemment que ce verset est une preuve qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut oublier, même d'établir dans la transmission de la religion, il peut oublier sallallahu alayhi wa sallam, mais que tout cela dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Certes, il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. On en vient de dire, on vient de parler de Qiyam al-Layl. On vient de parler de Qiyam al-Layl. Qui est une adoration que tu fais chez toi. Les gens ne te voient pas. Pourquoi elle est si importante, cette adoration? Les gens ne te voient pas. Ils ne savent pas qu'en ce moment-là, tu es en train de prier pendant que eux, ils dorment. Le fait que tu craignes Allah tabaraka wa ta'ala, même quand tu es tout seul. Même quand tu es tout seul. Et que tu ne montres pas cette piété que quand tu es accompagné de tes frères. Mais même quand tu es tout seul. Et Allah tabaraka wa ta'ala connaît parfaitement ce qui est apparent et ce qui est caché. Et donc tu peux tromper les gens. Tu peux tromper les gens, leur montrer la piété, leur montrer Mais tu ne peux pas, tu ne peux rien cacher à Allah tabaraka wa ta'ala. Rien du tout. Rien du tout. Wa liyata'ammal kullun minna, beaucoup, que chacun d'entre nous médite, des frères, souvent, on a souvent ce problème. Des frères que tu vois, qui sont avec toi, bien, tout se passe bien. Et après, on a les épouses qui se plaignent. Un monstre à la maison. Un monstre. Il faut qu'on se corrige. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est ensemble, on arrive à être calme? On arrive à parler bien, à avoir un bon vocabulaire. Mais lorsqu'on arrive à la maison, le moindre truc fait monter la température. Pourquoi ce changement? Est-ce que quand c'est apparent et quand c'est caché, c'est deux personnes différentes? Il faut qu'on essaie de se corriger chacun. Chacun d'entre nous par rapport à nos erreurs. Et qu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite de purifier nos cœurs. Car tout est entre les mains d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. On continue la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayra.